Kirby siffle, flotte et roi marteau est étonné. Kirby, tu aurais pas dû mettre cette boule des rois marteau. La boule augmente. Clac, Kirby la déplace. Et le gâteau est sauvé. Ouf, ouf, dit roi marteau. Kirby va chercher un gros sac plein de bonus. Avec le bonus épée, il peut ouvrir la... Avec le bonus épée, il fait... Donc, il ouvre la boule surprise. Et qu'est-ce qui se passe ?